arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. Je voulais avoir aussi votre regard en dehors du photographe, de l'amoureux des animaux et de la nature. Vous nous ramenez des images splendides d'une nature et d'animaux qu'on a évidemment envie de préserver, mais vous ne voyez pas que de jolies choses. Hélas, et vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que vous savez, lorsque vous êtes un ancien ou un vieux photographe comme je le suis, vous avez vu quand même des endroits du monde depuis longtemps. Et vous assistez à leur décadence. Exactement. Et ça, c'est triste et dramatique, parce que finalement, vous avez beau prêcher que l'animal doit se respecter, qu'il a sa part de place sur la planète comme l'homme, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, c'est également une source de profit pour beaucoup d'autres. Aussi bien pour sa peau, ses poils, enfin bref, tout ce qui peut caractériser la force d'un animal, sa puissance, sa délicatesse, sa vitesse, etc. Et l'homme avec cette absurdité légendaire, imagine qu'en s'appropriant l'animal et en le tuant, eh bien, on va d'un seul coup faire passer sa beauté, son énergie dans son propre corps, ce qui est totalement faux. Et les catastrophes climatiques? Voilà, alors les catastrophes climatiques en ce moment sont d'actualité, parce que c'est vrai qu'on est en train de constater que la banquise est en train de fondre à la vitesse grand V. Et malheureusement, c'est pas fait pour aider les animaux. C'est-à-dire qu'ils vont, bien sûr, chercher des possibilités de pallier à ce genre de phénomène, mais elles vont pas durer très longtemps. C'est-à-dire que l'ours blanc, par exemple, l'ours polaire, a une capacité de vie, probablement, selon les analyses que l'on peut faire aujourd'hui, peut-être d'une trentaine d'années, peut-être d'une cinquantaine, si tout va bien, mais vous savez, à brève échéance, parce que 50 ans dans le temps, c'est rien. À brève échéance, eh bien, ce sont des animaux qui sont condamnés parce que on commet tellement de dégâts, on fait tellement d'absurdités que finalement on se rend même plus compte qu'on partage cette planète avec d'autres êtres vivants. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut aller voir des expos comme l'expo de la Galerie du Lion pour prendre conscience de ce qu'est encore la nature et de tout le travail qu'il y a à faire pour la préserver telle qu'elle est encore là, mais en danger quand même. Oui, tout à fait. Elle est en grand, grand danger.